musique en marge. C'est fou, 89.1. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 6 au 12 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante, Jean-Philippe Charbonneau n'est pas avec nous encore une fois aujourd'hui. On est ensemble pour 3 heures de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir, c'est-à-dire un top 20 francophone, un top 20 anglophone. À la semaine passée, numéro 1 du côté franco, c'était Pat Brown avec N'oublie pas la couleur. Alors qu'en anglophone, c'était Belle and Sebastian avec The Party Line sur l'album Girls in Peacetime Wanna Dance. On va savoir dans 3 heures plus ou moins si ça tient toujours. Mais d'ici là, on a plein de chroniques. Dans la première heure, on a bien sûr Palmer Rest in Peace pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés. Dans la deuxième, on a un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis, ainsi que C'était fou pour retourner dans le passé. En troisième heure, on va aller voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Donc, bonne petite partie de plaisir comme à chaque semaine, les mercredis après-midi. On rappelle les vendredis soirs et les dimanches après-midi. Mais on va commencer l'émission avec la portion New Shit. On a 5 nouvelles entrées à entendre. Plus tard, il y aura Salomé Leclerc, Milk and Bone, Modest Mouse et Twin River. Mais on débute en 20e position francophone avec le 3e extrait de l'album Jusqu'au bout de Lubic. À l'instant, voici Cowboys. Sur C'est fou, dans vos oreilles. Dans le trou. Tu écoutes C'est fou, tu lis le Journal de campus, tu désires t'impliquer dans ta communauté. Le groupe des médias étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières est à la recherche d'administrateurs étudiants et non étudiants pour siéger sur son conseil d'administration. Envoyez votre CV à dgcfou@commercialuqtr.ca. Du 3 mars au 3 juillet 2015, participez au concours de photos Vue d'en haut. Mettez-vous dans la peau d'un photographe et immortalisez une scène en milieu aquatique illustrant la faune, la flore, une activité humaine, la rivière Saint-Maurice, le parc national de la Mauricie ou la saison hivernale. Soumettez vos trois meilleurs clichés par catégorie et courez la chance de gagner de nombreux prix en argent ainsi que des chèques cadeaux, forfaits et bons d'achat valides entre autres chez Parc Canada, Info Nature Mauricie, le parc de l'île Melville, la CEPAC, Domaine Le Montagnard et le Rond-Coin. Pour plus de détails et informations, visitez le bvsm.ca. Salut, moi c'est Alex. Tous les mardis à 21h, j'anime Matière Noire. T'aimes le métal progressif, mais t'as pas peur de plonger dans des styles plus obscurs? Cette émission-là est pour toi. Viens me rejoindre, c'est un rendez-vous. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Fou de diversité. C'est Fou 89.1. C'est toujours Mathieu Plante en direct en ce mercredi après-midi 1er avril. C'est une blague du poisson d'avril! Non, je devrais continuer en faisant vraiment comme si c'était une blague, mais par erreur, j'ai fait le début de l'émission de la semaine prochaine. C'est une belle blague du poisson d'avril, je trouve que c'est cool. Sauf que pour la rediffusion, ça a plus ou moins de sens de faire un mauvais début. Donc on va reprendre ça dès le départ avec les palmarès pour la semaine du 30 mars. Si ça ne vous dérange pas, c'est comme une prise 2. C'est comme regarder une chaîne du groupe TVA avec une sitcom genre Kilomètre Heure, les années 90, puis faire savoir qu'on trouve ça drôle. Fait qu'on va arrêter ça. On va recommencer au début. Voici les palmarès, c'est fou. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au palmarès, c'est fou pour la semaine du 30 mars au 5 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante, Jean-Philippe Charbonneau. Qui est Jean-Philippe Charbonneau? J'ai aucune idée de qui vous me parlez là. Alors pendant les 3 prochaines heures, on va faire condenser de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir, c'est-à-dire un top 20 francophone et un top 20 anglophone. Cette semaine, on s'est vraiment gâté sur les nouveautés. Avant de parler des nouveautés, par contre, les numéros de la semaine passée. En francophone, c'était Mastic avec Nouveau Empire. Et du côté anglophone, on trouvait Elliot Maginot et Young Old sur l'album Young Old Everything in Between. D'ici la fin de l'émission, on va avoir plein de chroniques récurrentes. Dans la première heure, on a bien sûr la section Palmer Rest in Peace, où on dit au revoir aux pièces qui nous ont quittées. En deuxième heure, on va aller entendre les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique, ainsi que retourner dans le passé avec C'était fou. Et en troisième heure, on va regarder ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Mais comme je l'ai dit en première partie de l'émission, c'est la portion New Shit. On va faire... D'habitude, je passe proche de le garantir. Je pense que cette semaine, je peux vraiment le garantir. On va passer la première heure au complet dans les nouvelles entrées, parce qu'il y en a 6 du côté francophone et 9 du côté anglophone. Si on le fait pas au complet, ça va être proche en maudit. On va arriver juste pas mal. Ouais. Alors que plus tard, on entendra Navaire, Deux Pouilles en Cavale, Galaxy, Emily Cornette, les Marinellis. On a Humans, Purity Ring et Two Gallants. Mais on commence en francophone avec une nouvelle entrée du côté de la 20e place. C'est sur l'album Mononucléose de Athéna. Voici Pour un tour dans les draps. Même si je te retrouve à bas du pont, we'll be right back. nouvelle entrée. Oh, entrer. C'était Beauty Ring et Push Pull, position numéro 19, nouvelle entrée en anglophone sur l'album Another Eternity. C'était Purity Ring, oui, qui est un groupe qui vient d'Edmonton. PurityRingThing.com existe depuis 2010, du futur pop avec Corinne et Megan. Avant ça, en francophone, 19e place, c'était les Marinelli et On dit. C'est un maxi, pour ce groupe qui comprend Cédric, Alex, Jeff, Ben et Alexis. C'est un groupe de Montréal, lesmarinelli.bandcamp.com. Bande de Pandore au couvercle égaré, contingent pentacéphale. Le bastion Marinelli étonnera toujours par son habileté à insulter le contentieux moral bourgeois, le bon sens. Une bête à chasser en troupeau, il va sans dire. Un premier long jeu sur l'étiquette allemande Pay Trash et une kyrielle de paires de Burnes dans le Bolochon. Le Cénacle Marinelli vous fera regretter le port de la tenue de ville. Eh ben, OK, c'est quelque chose, ce texte-là. Avant, en 20e place anglophone, c'était Two Gallants avec Fools Like Us sur l'album We Are Undone. Ça, c'est Adam H. Stevens et Tyson Vogel. C'est le 3 février qu'ils ont sorti leur 5e album studio, Two Gallants. C'était d'ailleurs le poste d'écoute de Stéphanie Paradis à Assemblage Rocky la semaine dernière. Et au début du bloc, c'était Athéna avec Pour un tour dans les draps sur l'album Mononucléose. Ça, c'est du rock francophone de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'album est disponible depuis le 17 mars dernier. L'alternative et le punk des années 70 à aujourd'hui sont le fruit d'un son mal léché mais bien découpé, très propre à Athéna. Tout droit sorti des limbes, Athéna se pointe enfin le bout du nez après un long parcours nu-pied à la batterie et le groupe a enfin trouvé chaussures à son pied en juin 2013. Le quatuor punk rock est composé de membres originaires de Chicoutimi et de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ayant purgé leur peine au sein des groupes The Caplets, Les Marmottes Aplaties et Lesbo Rodeo, la formation détient une solide maturité autant musicale que parolière. Voilà pour ces gens de Athéna. L'album, encore une fois, s'appelle Mononucléose. Il nous reste encore cinq nouvelles entrées. Ouais, c'est pas pire quand même. Du côté anglophone, Humans avec Follow, qui est une nouvelle entrée, la dernière en fait, du côté anglophone. Et avant ça, voici Emily Cornut et Trois Pistoles. Sur C'est fou. C'est les palmarès, C'est fou, 89 FM. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. 18. Nouvelle entrée. We'll be right back. c'était Humans et Follow, la dernière nouvelle entrée en anglophone sur l'album Noontide. Avant ça, c'était Emily Cornut et Trois Pistoles sur l'album Emily Cornut Maxi. Parlons un peu de tout ça. Humans, pour commencer, l'album Noontide qui est disponible depuis le 24 février. Leur site est dashumans.com. Si vous voulez chercher sur Facebook, là, laissez faire, finalement. Cherchez Humans Noontide Facebook sur Google. Ça vous mène plus à la page que Facebook lui-même. C'est Robbie Slade et Peter Rick. Avant ça, Emily Cornut, elle, qui est sur Cornut, cornut.bandcamp.com. Elle chante seule par égoïsme, dit-elle. C'est une dictatrice qui, pour garder le contrôle de son art, a fini par s'entourer de robots. Ils ne donnent pas leur avis et c'est tant mieux. Accompagnée de sa trash machine, elle est prête à parcourir le monde en n'ayant qu'une seule bouche à nourrir, la sienne. La pianiste aime passionnément les contours baroques au cœur sombre et la beauté des dissonances. Son cœur de fillette aime naïvement, s'ouvre sans pudeur et étale ses états d'âme. Elle raconte des histoires frivoles, des anecdotes de garnement. Elle vient de Montréal. Emily Cornut, je sais pas s'il faut dire cornu ou peut-être cornu. Peut-être, je sais pas. Comment savoir, ça? Maintenant, on va sauter par-dessus les pièces en anglophone qu'on mentionnera tantôt parce qu'elles ne sont pas nouvelles. On va rester donc en francophone pour les prochaines, les 17, 16 et 15. Plus tard, il y aura Navert et Deux Pouilles en cavale. Mais on débute avec un deuxième extrait de l'album Zulu de Galaxy. Voici Dragon. Sur C'est Fou, ce n'est pas mal, c'est fou. Entrée. voulu m'aider. Et ma tasse de café. Entrée. Tu es belle. Ton visage n'a pas d'âge comme un fruit accueilli ou dans l'arbre encore pur. Aucune main décrépite ne s'est rendue à toi pour briser. Les trois dernières nouvelles entrées du côté francophone, ce sont tous des retours, donc on parlera pas trop de leur bio, mais on vient d'entendre Navert avec Trouver Asile, qui vient de l'album Temps Bipolaire. Avant ça, c'était Deux Poules en Cavale, sur l'album C'est un simple, c'est la pièce Grippin, et on a débuté avec Galaxy, et le deuxième extrait de Zulu, qui s'appelle Dragon. Voilà, c'est tout pour les nouvelles entrées. On avait neuf, et comme on a accueilli neuf nouvelles pièces, on doit dire au revoir à neuf autres. Donc voici Palmer, Rest in Peace! Just mountains of change. What's gonna happen? humoristes qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Palmarès C'est fou depuis l'édition du 23 au 29 mars 2015. On a débuté avec Galaxy et Robolynx qui s'est fait tuer par une bête plus grosse qu'elle avait près de 9 semaines. Après ça, Chocolat est fondu hein, avec la pièce Apocalypse qui a duré 7 semaines. Jean Leloup et Flamant Rose qui, j'imagine, après avoir été par l'emboutant sur une patte, se sont fatigués, sont tombés par terre. 8 semaines. Marie-Pierre Arthur qui avait rien de mieux à faire, que de s'en aller après 9 semaines. Samantha Savage Smith s'est fait brûler. It's a Burn qui a duré 8 semaines. Cairo et A History of Reasons qui passent dans les livres d'histoire après 7 semaines. Et finalement, The Marwills qui sont enfin retournés chez eux. Don't Go Home avec 8 semaines. Non, j'aimais bien cette pièce-là quand même. Donc voilà pour les 9 pièces qui nous ont quittés cette semaine du 23 mars, donc la semaine passée, dans Palmer & Peace. On fait ça en début d'émission, juste après les nouvelles entrées. Début d'émission, c'est relatif. Hein, il est quand même genre et 50 dans ces coins-là. Maintenant, on va, étant donné qu'on a entendu que du francophone tantôt, on a sauté par-dessus 3 pièces anglophones, on va faire jouer que de l'anglophone dans le prochain bloc. On va entendre les positions 15, 14 et 13. Plus tard, il y aura No Island ainsi que Joel Plaskett, mais on débute en position numéro 15. Ça monte de la 20e place, c'était nouveau la semaine passée. Voici Autopilot et Desert Dream. Dans les palmarès, c'est faux, 89 ans. 14. This is the Park Avenue sobriety test. It's a kick in the teeth. It's the hornet's nest. It's the Park Avenue sobriety test. It's the cold hard light of day. It's the pain in your heart. It's the look in your eyes. All of your friends are dropping like flies. It's the hole in the sky when a young man dies. You just wanna go to sleep. And when you finally sleep, you imagine a world. It's a beautiful world filled with beautiful girls. And the girls in your world, the one you imagine, they all wanna know your name. So you tell them your name, and they give you their number as you're calling them. Government sent, 'cause he's out on the deck. Some words will not autocorrect, like who the fuck will pay our rent. Some people are wealthy, others are rich. Some people complain, others just bitch. It might take a second to tell which is which, but the devil is in the details. This is the Park Avenue sobriety test. It's a kick in the teeth. It's the hornet's nest. It's the Park Avenue sobriety test. It's the cold hard light of day. It's the girl at the bar. She's pouring a drink. She's taking your dough, and you think that she winks. So you ask her her name, and she tells you a lie, 'cause Frank's not a woman's name. Last call has been called, and now Frank's closing down. You're out on the street, and there's no one around. And it's raining outside, and whiskey you drown. And now you're walking across a bridge, and you're sobering up, and you get to the park, and it's sketchy as hell. Lucky, 'cause I became the only one to make it hit the lights, but you were running out the door. Got me written between the lines. Pull me in and just speak your mind. The ones you're trying to hide behind. Closing in and I still wonder why. La semaine passée, Noah, trois nouvelles entrées, oui, de la semaine passée. Noah Allen avec Hell You Up qui monte de la 18e à la 13e. Avant ça, Joel Plaskett et The Park Avenue Sobriety Test qui monte de la 19e à la 14e. Et au début du bloc, Autopilot et Desert Dreams qui monte de 5 places en 15e position anglophone. C'est la fin de la première heure, la portion New Shit de l'émission. Dans quelques instants, la portion Top 10 avec entre autres Trio, Le Couleur. On retrouve aussi Del Bell et The High Dials dans la deuxième heure des palmarès. Il faut rester avec nous. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Bonjour, c'est toujours les Palmarès Fous pour la semaine du 30 mars au 5 avril 2015. Je suis votre animateur très très fiable, Mathieu Plante. Donc, position numéro 10, de chaque côté, on commence avec Del Bell, en anglophone, tantôt qui monte de 4 places avec In My Solitude, mais le blog va s'ouvrir avec Trio, qui descend de 3 places sur l'album Né quelque part. C'est la pièce titre qu'on écoute à l'instant. Et ça, ben, quand même, j'aimerais bien vous dire que ça se passe dans n'importe quelle station, mais non, il y a seulement ici qu'on entend ça. Hein? Les Palmarès Fous sur les 89 FM. Trio, Né quelque part. À l'instant. Yeah. C'est fun. Avouez que vous êtes vraiment excité. Avouez-le. Bon. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. No rincones guay coasa. No rincones guay coasa. Y'a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids quand ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. No rincones guayos. No. Est-ce que que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. No, oui, qu'on les croit, ni qu'on a ça. No. Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas? Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas? Est-ce que les gens naissent égaux en droit, thank you. ça me surprendrait pas d'entendre ça dans un James Bond à quelque part à un moment donné. Del Bell et In My Solitude qui monte de 4 places en 10e anglophone. Avant ça, c'était Trio et Né quelque part qui descend de 3 places. C'est l'extrait titre de leur album Né quelque part. Après le prochain bloc, ce sera les 700 classiques d'assemblage requis. Mais avant ça, en 9e place en anglophone, c'est The Airborne Toxic Event avec Wrong qui descend de la 5e. Et on débute avec Lita qui monte de 3. 3e semaine de présence, voici La Mélancolie nous sort du nez. Dans les palmarès, c'est fou, 89 FM. Personne m'appelle par mon nom. On est tellement bien dans son fond de poubelle. La boîte sur le corps, ben des bonnes élections. C'est ça une mélancolie dans un gros chaud de poêle. C'est encore vrai que t'es en train de fondre. Le sang dans ta barbe pis ton rire forcé. Il est peut-être temps que ça se fasse tomber. Plutôt que de ramasser ton corps sur mon plancher. Ma corde à linge est pleine de visage. Ça coule sous mon gazon, pourtant c'est juste une image. J'ai perdu pour prendre des vacances la plage, pour que le sel enlève tout mon maquillage. C'est impossible de finir sa vie toute seule. 9. Born Toxic Vanity Wrong, position numéro 9, qui descend à la 5e, une de mes pièces préférées des palmarès en ce moment, avec, je dirais, peut-être la bronze, White Horse, Galaxy, mais vraiment très très bon. Juste avant, c'était Lita avec La Mélancolie nous sort du nez, qui monte de 3 places en 9e francophone. Tout à l'heure, ponctuation et The High Dials, mais avant ça, c'est le moment de retourner à Assemblage Requis, l'émission du matin. Oui, voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour les deux semaines précédentes, donc du 16 et du 23 mars 2015. Tu parlais de Gastro tantôt? Non, j'ai parlé de Gaston. Non, je sais, mais Gastro le robot, là. Connais-tu Gastro le robot dans la publicité? Je peux remettre mon papier de toilette, mais pas vous. Non, Gastro le robot. Non, c'est une parodie d'Astro, le Astor le robot. Je pense. Ouais, c'est parce qu'il y avait Astro aussi, le petit robot. Ouais, je sais, j'ai mélangé. Non, ouais. T'as comme mélangé trois affaires. Ouais, ouais, mais je suis de même. T'étais intense dans tes gags. Polyvalent. Ouais. Gastro le robot, c'est drôle. Non? Non? Non. Pas vrai. La barde, qui était autrefois une armure faite de lames de fer. C'est aussi ce que tu dis quand on revient à la gastro de tantôt, mais t'as aussi le rhume en même temps. Ah, ça barde de partout. Je me suis barde de partout. Mange la barde! Eh boy. C'est drôle. Se reposer sur ses lauriers, c'est se contenter d'un premier succès. En fait, au Québec, on a plus s'asseoir sur ses lauriers. Ah. On n'a pas cette option-là, mais ça vient clairement de la même chose. S'asseoir que ça se passe, moi. Mon Dieu, on dirait un nouveau show à Éric Salvaille. S'asseoir, ça se passe. S'asseoir, ça se passe avec Éric Salvaille. Et là, le mois est déjà à moitié passé, mais les fêtes qu'on peut célébrer dans le mois de mars. En plus, là, on va en avoir manqué plein, là. Ouais, il va falloir toutes les fêter aujourd'hui à la moitié du mois, pas mal. Pour ta fête! Yeah! Mais. mais c'est ça, le 16, c'est comme la moitié attendez, du mois. Attends, j'espère que tu t'attendais pas à ce que. Est-ce que... Je l'écris pas. Non, c'est ça. Je m'attendais à exactement ce que t'as fait, finalement. Donc, on va faire ça dans quelques instants. Alors, DJ Cuisto. DJ Cuisto, comme le restaurant. Cuisto. Cuisto. Ouais. Non, j'ai jamais été, là, moi. Non? Non. L'autre place qu'il faut que j'aille, éventuellement, c'est chez Maman Fournier. Je trouve ça tellement drôle comme nom de restaurant. Mais toi, avoue-le, là, Cuisto, là, t'étais sûr que c'était un bar de danseuse. Oh boy, le cuve de bonheur. C'est ça. Ils servent pas de la boisson, ils servent du café. Le cuisto. Pour vrai, une parodie d'un restaurant, ça manque les parodies dans la vie, ça. Oui. Dans les noms de commerce, ça manque. Mmh. Oui. Le cuisto. Mais un autre bar de danseuse inspiré d'un restaurant. Vas-y donc, Mathieu. Ce serait Maman Fournier, comme des foufounes. Oh! Maman Foufounier. Maman Foufounier. Ah, c'est encore mieux. Ben comme ouais. À la maison. Ce serait ça le slogan. Tu gardes le slogan. On va débuter dans quelques instants avec Laurent Constantin, édition spéciale, d'habitude il est le jeudi. En fait, d'habitude il est pas là, mais... Il devrait. Il devrait être là le jeudi. C'est le 14e Dalai Lama. Faut pas non plus confondre avec le maire de Saguenay, Jean Tremblay, le Dalai Lala. Non? Le Dalai Lala. Essaye de faire un autre... Ouais. Jeu de mots politique, moi. J'essaye, tu sais. Qui vivra, Dalai verra. Oh, c'est ça. Ben, je l'avais assez noté, je trouve. Ah, t'es meilleur dans le jeu de mots, hein. J'ai noté, là. D'abord, la définition de miroir, c'est quoi? C'est quelque chose que j'utilise pour miroir dedans. Ouais, genre. Quand même. Ces miroirs-là que j'ai nommés servent à augmenter ou à diminuer l'amplitude de l'image. Donc, on veut faire une plus petite image, une plus grosse image, comme on l'a montré respectivement dans mes exemples. Si on peut faire une plus petite image que ce que l'on voit, mettons, comme là, mettons, à place de regarder tes points noirs, tu verrais genre vraiment comme de derrière à la troisième personne. Un point noir. Tu voudrais voir tes points noirs à la troisième personne singulier derrière. Faut que nos yeux soient au foyer. Ouais, de toute façon, moi, je te crois pas dans ton explication. Je suis sûr que il faut juste que tu y crois, hein, et que tu puisses dire « J'ai la foi, yeah! » T'es vraiment con. Avec une lampe de poche frontale, fait que c'est une lampe de front, je vais dans les nouveaux arrivages, je suis fou. Parce qu'une lampe de poche, on le sait, c'est porté autour de la poche, hein, c'est ça? Ben, c'est clair, c'est pour ça que je peux pas en avoir. OK, parfait. Si vous aimez Mumford & Sons, vous allez adorer Shred Kelly. C'est du banjo frénétique. Ah! Shrek hein? Kelly et leur groupe hommage Shrek Deli. Ça, c'est de la viande de Shrek. Donc, ouais. Shred, tu vas-tu me mêler Shrek Deli? Pièce du dramaturge français Marivaux du 18e siècle. Mm-hmm. Est-ce que tu connais Marivaux, Mathieu? Non, je connais sa sœur Marie Mouton. Mais... Et maudit. Ouais. Ah, ça, c'était bon. Merci. Ouais, Fauve se considère comme une espèce de collectif. OK. Et dans leur collectif, qui s'appelle Fauve Corp, pour vrai. Ouais. Non, ça s'appelle Fauve une Fauchalet. Ça, c'était pas pire c'est aussi. Vrai, merci. Ça revient, ça gradue. Il n'est pas aussi proche de nous autres que le vote des élections. On se sent moins concerné. C'est ça. Tu sais, je vais voter pour lui ou la chaise. La chaise a des arguments pour, là. Ouais, à quatre pattes. À quatre pattes. À quatre pattes. Quoique, David, on sait pas qu'est-ce qu'il fait. T'sais. Il est peut-être à quatre pattes des fois. Donc, c'est David Ferron, voici les notes salées. not, not, salé, not, not, la sauce soya, là, faible en sodium, c'est dégueulasse. C'est un peu comme le V8 faible en sodium, c'est pas terrible. Fait que finalement, les notes salées, ça a l'air de rien, mais c'est positif. Look at my nuts. C'est le job. Enfin, quelque chose de gentil sur moi. Merci, Steph. Palmarès du monde que vous pouvez écouter tous les jeudis à 16h. PDM. Non, il n'y a personne qui dit ça, PDM. Palmarès du monde. Il n'y a personne qui dit ça. PDM. PDM, non? Hashtag PDM, non? Non. Vous êtes à Assemblage requis en ce lundi 23 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Lui, c'est Stéphanie Paradis. Tu m'as mêlé. Je t'ai mêlé. Je voulais que tu finisses ta bouchée de muffin. Gabriel Béaud et la chronique Dans les coulisses de la Luître. On va parler d'improvisation et du 10e anniversaire de la Luître. C'est dans quelques minutes à Assemblage requis jusqu'à 9h30. T'as-tu du gâteau? Il n'y a pas de gâteau. Ah, malheureux. On va manger Gabriel après. Je sais pas si t'as entendu avant que t'arrives, Mathieu, il voulait te manger. Ouais, j'ai entendu ça rapidement. Perturbant? T'es quand même rentré? Arrivé, Trop d'informations! Bonjour! Bon matin! Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis ce mardi 24 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Hola, Stéphanie! Allô! Hey, ça va? Ça va très bien, toi? Ah oui, fantastiquement bien, Steph! J'étais un petit peu soufflé. Ah oui, ben, tu viens d'arriver comme à la seconde près par l'introduction de l'émission, donc... Hein? Pas pire, non, mais tu sais, je suis pas en retard, là. T'es fiable! T'es là pour dire le premier mot que t'as à dire dans l'émission, puis après ça... Oui, ton nom, le plus important. Ça commence drôle, mais que voulez-vous, on va se rendre jusqu'à la fin de la journée, parce qu'on aime ça, faire de la radio ensemble. Ben, tu sais... Voilà. Genre, on va pas s'inventer des « hey », hein? Non. Pas semblant, puis « wow, wow, wow », là. Cairo et A History of Reasons à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées, c'est Philippe Paradis. Mathieu Blanc. Oui. Qu'as-tu dit, Cairo, là? Mm-hmm. Si tu passes Cairo... Passe Cairo. C'est ça? C'est tu elle? C'était clair préparé là, qui chantait. C'était là, clairement ça qui chantait, ouais, c'est okay. Ça, avec sa voix masculine. Faut le dire, Cindy est entraîneur. Entraîneur. Il faut de la Cindy-cipline. Hey, ça, oh, c'est bon, oh. C'est l'article. On a parlé de course à pied, ça nous a rendu heureux, donc c'est de la course à pied. Yeah. Oh, mon Dieu, ça ben oui. Ça, c'est le bruit de moi quand je cours. Je cours avec toi. Attends, ma poitrine aussi. C'est pas ta poche. Ah, oh, mon Dieu. Plante carnivore. Oui. Ça serait cool. Une piranha, exactement. Donc ça serait des prénoms parfaits pour des jumelles. T'as piranha. Oh boy. Puis Ban, Anna aussi, j'imagine. Tantôt, on avait commencé à s'acheter des gadgets, puis il nous reste encore du budget, donc allons-y. Si ça existe. C'est budget! Il y en a un violet qui a l'air vraiment beau. Pas de joke de viol. Je la prendrais. Mais non, sans consentement, je la prendrais. On viole pas les laits. Vraiment pas. Violet. Oh. Ensuite, à 9h, tu vas nous faire le poste d'écoute. Oui, bien sûr. C'est ça. Regarde, tu commences pas à le savoir. Jamais je vais l'apprendre. On va être rendu à la fin de la session, puis je vais peut-être à la fin dire « Oh, c'était ça le poste d'écoute! » Ah, on recommence! Un poste d'écoute en parallèle, sans vraiment que ce soit une chronique, juste pour le fun. Tout en étant quasiment culinaire, parce qu'on fait du double dip avec, avec notre pas notre super galaxie. Hygiénique, mais pas ça tellement. Me convient. Suivez de bord, tu sais. Sauf que tes doigts ont touché. Comme tes bobettes. C'est ça, exactement. Parlant de double dip, une double portion d'instant classique pour les semaines du 16 et du 23 mars 2015, parce qu'on avait pris une semaine de retard la semaine passée. En fait, on a toujours une semaine de retard dans un instant classique, mais on avait deux semaines de retard. Donc écoutez, Assemblage requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30, c'est avec Stéphanie Paradis, moi-même Mathieu Plante, un paquet de chroniqueurs, de nos amis, nos petits requins collègues. Donc soyez-y du lundi au jeudi, le matin. Ah, c'est fou. Maintenant, les positions numéro 8. Du côté anglophone, c'est The High Dials et Yester Graves qui montent de la 15e place. En francophone, on écoute Ponctuation qui monte de la 20e. C'est nouveau la semaine passée. La pièce s'appelle Météo sur l'album La Réalité nous suffit. Ponctuation commence maintenant. Ma phrase finit de main. Et il y a un point. Puis vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Point d'exclamation. We'll be right back. C'est fou, 89.1. 8. Stay. C'était Yester Graves par The High Dials. Pour ce numéro 8, ça monte de la 15e place. Et avant, Franco, c'était Ponctuation et Météo sur leur album La Réalité Nous Suffit. Tout à l'heure, après les 7e, ce sera C'était Fou. On va retourner un petit peu dans le passé, mais avant ça, en anglophone, c'est The Moors. Et en francophone, c'est Le Couleur. Voici Club Italie. Au palmarès, c'est fou. Thank you. The More They You, c'est position numéro 7. Ça monte de 4 places. Et en francophone, le couleur, le club italien qui descend de 5. Tantôt, on entendra soit La Bronze ou Elliott Maginot, dépendant du temps qu'on aura. Mais pour l'instant, voici C'était fou. Si on recule à la semaine du 23 mars 2007. Fortune en cueillant des fraises dans les champs. Faire rire de moi chaque fois je ramasse de quoi. En me penchant, c'est pas de ma faute si j'ai culotte slack. M'empêche pas de travailler, arrêtez de pitcher des fraises dans le crack. C'est mon cracasse, c'est sûr que c'est plus plaisant qu'il y ait des gros œils au soleil. J'étais avec le gros Wallace qui focus sur mes vieilles culottes. Il me dit, sais-tu, devrais faire pareil comme moi, à travailler en culotte courte. T'as pas besoin de laver chaque fois. Au pire, t'enlèves la croûte, je l'ai. Wallace, j'ai haï sa face que l'eau, j'ai au soleil. Hey, babé! Hey! Sans même le dire à quelqu'un. Quelqu'un! Allez voir le boss pour le traiter de ce petit pain brun. Oui, m'en va lire presque à ma maison. Libre comme un gros moineau, mais je pourrais pas pour une bonne raison. Les culottes aux genoux, c'est sûr que c'est plus facile courir quand t'as des culottes aux aisselles. M'appelle 410 demain, demain je m'en vais à chasse au siffleux. Un petit cadeau d'adieu. Justement, j'avais pensé à toi et à ta belle famille. Vous qui aimez les viandes sauvages, on vous ramène de voyage. Une belle marmotte qui est morte et qui a gonflé sur le soleil. Thank you. Une pièce bonus pour la semaine du 23 au 29 mars 2007 dans C'était fou. On a débuté avec les numéros francophones, les frères Goyette et Ça craque au soleil sur l'album Minimiser les dégâts. Et en anglais, c'était Arcade Fire et Keep the Car Running sur l'album Neon Bible. En bonus, on a entendu à la toute fin Sandra Lurkey et Phantom Punch sur l'album Phantom Punch. Sandra Lurkey est un de mes artistes préférés depuis le début de mon séjour assez fou jusqu'à maintenant. Sinon, cette même semaine de mars 2007, il y avait les trois accords Tricot Machine, Vulgar Machin. Il y avait Chocolat. Trois gars sur le sofa. Oui, en anglophone, il y avait Peter, Bjorn et John, leur succès Young Folks, qui a joué énormément jusqu'à être brûlé dans les autres stations plus tard. Ça a commencé ici, ça. Il y avait Block Party, Mother Mother, Kings of Leon était là. Et un paquet d'autres choses. Donc, allez voir assemblagerequis.com pour le lien vers ce palmarès de la semaine du 23 mars 2007. Maintenant, on retourne à nos palmarès. C'est fou, enfin, il nous reste assez de temps pour entendre seulement une pièce des sixièmes positions. On saute l'anglophone Elliot Maginot et Young and Old, l'ancien numéro 1. Ah ouais, mais bon, que voulez-vous, hein? Du côté francophone, on va entendre la bronze, parce que j'adore la pièce, elle était nouvelle la semaine passée, voici Explose-moi. C'est des palmarès, c'est fou. Porte la couronne de ton royaume. J'aurais voulu être celle pour qui qui t'a inventé des mots. J'aurais voulu être celle à qui le cœur plein d'eau, tu dis je t'aime trop. Quand elle te dit des choses, celle qui porte le nom que tu donnes à ton chat. J'aurais voulu être celle qui peut prendre ta main sans permission, celle avec qui, dans la pluie, tu es heureux. Et explose-moi pour ce numéro 6. C'est ça, monte de la 18e. C'était nouveau la semaine passée. Ça me surprend pas du tout que ça fait un aussi gros bon parce que c'est donc ben bon. C'est la fin de la deuxième heure des Palmarès Ifo. On se retrouve pour une troisième dans quelques instants avec le top 5. On va entendre entre autres là-dedans. Ouh, Summerland, Pat Ground, Huit Clos, Népompom, Belle and Sebastian, Danko Jones, Viet Cong. Tout ça dans la troisième heure des Palmarès Ifo. Restez avec nous. Vous écoutez les Palmarès Ifo pour la semaine du 30 mars au 5 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette troisième heure, il va y avoir la portion ailleurs dans les palmarès. Ça s'en vient, on va aller voir ce qui se passe, je dirais, ailleurs dans les palmarès. Entre autres, dans le top 5 musique du monde, top 10 là, top 10 canadien, top 30 des albums. Ça s'en vient tantôt, mais avant ça, on va commencer quand même avec les positions numéro 5 dans cette portion top 5 de l'émission. En anglo, Viet Cong et Continental Shelf montent de 5 places, alors qu'en franco, ça monte de 4. Voici Huit Clos et la danse des morts. Au 89 FM, c'est les palmarès Ifo! David a pris sa grosse voiture pour aller en bas sur le mur.

C'était Viet Cong et Continental Shelf qui monte de 5 places en anglophone, c'est la 5e position, et en francophone, 8 clos avec la danse des morts. Je m'en allais faire un bloc de 4 ou encore peut-être faire soit avant ou après, c'est comme là ça aurait été un bloc de 4 ou le prochain aurait été. Mais le prochain bloc, juste les positions numéro 4 ensemble, le cri du chat et Nain Pompom, ça dure à peu près 16 minutes. Je vais vous mettre seulement ces deux-là, ça vous va-tu ça? Du côté anglophone, ce sera Nain Pompom avec Seamstress qui est stable. Et en francophone, ça monte d'une place. Voici le cri du chat et danse sauvage. Bon, il est pas mal assez fou sur le 89.1 FM. Seamstress Stable en position numéro 4 anglophone. Si vous écoutez Assemblage Requis et que vous m'avez entendu jouer la pièce Seamstress et que vous vous dites, mais il me semble que c'est pas la même, c'est parce qu'apparemment que je jouais pas la bonne. Jouais Ashes Ashes, apparemment. Hein. C'est tellement mal cité sur ces albums-là. Que voulez-vous? Alors que c'est le vrai extrait Seamstress. En fait, c'était sa première diffusion au Palmarès, c'est fou. Après 3 semaines. Du côté francophone, c'était ça, mais le Kid Chat avec Danse Sauvage, c'est confus. Hein. Ça monte d'une place sur l'album. Pourquoi personne ne regarde? Alors, on est rendu au troisième. Tout à l'heure, on va pénétrer dans la section ailleurs dans les palmarès. On va aller voir ce qui se passe dans le top 10 loud tantôt. Mais avant ça, en anglophone, Towers et Rooftop montent de 13 places. C'était une nouvelle entrée il y a 2 semaines. Et on débute avec Summerland qui monte d'une place. Voici juste un peu trop. 89.1 FM. C'est les palmarès, c'est fou. Thank you. l'instrumental Rooftop de Towers sur leur album Towers 2 en troisième position anglophone monte de 13 places. Avant, c'était Summerland et Juste un peu trop qui monte de une seule place sur l'album 2012. On passe au 12e tout de suite. Du côté de l'anglophone, ça monte d'une place d'Anko Jones avec Do You Wanna Rock. En franco, par contre, je dois le dire, mais ça descend d'une place, c'était lancé numéro 1. Ça veut dire qu'on a un nouveau numéro 1 francophone. On s'en va entendre Mastic, et voici Nouveau Empire. 89 FM, c'est fou. Zone 89.1. Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The beat is calling us, I never wanna get enough. Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The music's gonna stop, so do you wanna ride? Jacko Jones et Do You Wanna Rock montent d'une place en deuxième position anglophone et Mastic avec Nouveau Empire a débuté ça en descendant d'une place. Ça nous amène à aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, c'est la section d'émission où on regarde ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone, c'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. Dans le top 30 des albums, on retrouve 3 nouvelles entrées en 26e place, Twin River et Should the Light Go Out. J'ai une petite faible impression qu'on va retrouver ça dans le top 20 la semaine prochaine. Clé-le. En 24e place, Modest Mouse et Strangers to Ourselves. Je dirais la même chose. Et en 20e, c'est Two Gallants avec We Are Undone. Dans le top 3 maintenant des albums, en 3e place, c'est Towers avec Towers 2. En 2e, c'est Danko Jones avec Fire Music. Et depuis la semaine passée, on ne dit plus le numéro 1 du top 30 des albums parce que c'est beaucoup trop proche de la réalité du top 20. Même chose pour le top 30 des skis canadiens. Donc en 3e place, on retrouve Napalm Pam avec l'album The Unconditional Love of Napalm Pam. En 2e, c'est Towers avec Towers 2. Ah, je peux vous dire le numéro 1 du top 3 des skis canadiens parce que c'est Danko Jones qu'on vient d'entendre avec Fire Music. Dans le top 10 loud, 2 nouvelles entrées, dont la 2e place, donc on va faire le top 4. Tiens. En 4e, Royal Thunder et l'album Crooked Doors. En 3e, c'est l'ancien numéro 2, Venom avec From the Very Depths. En 2e, c'est une nouvelle entrée, Van Halen avec Tokyo Dome in Concert. Et en première place, c'est Stable, Enslaved et In Times. Dans le top 5 musique du monde, ben, il y a 2 nouvelles entrées, 5 et 4 sont nouvelles. Et on fait le top 3 à l'habitude, donc on va faire le top 5 au complet. En 5e nouvelle entrée, c'est une pièce de Niaz qui s'appelle Sabza Banaz sur l'album The Fort Light. En 4e, c'est Angelique Kidjo avec Bamba Valley Remix featuring ZZ Ward sur l'album Bamba Valley Remix. En 3e, c'est l'ancien numéro 1, Bouzouknou Fanfare avec La Fanfare Couchetard, ça c'est l'artiste, l'album s'appelle Balkanize Me. En 2e, c'est Stable Painting Silhouettes, une pièce de Quantic sur l'album Painting Silhouettes. Et en première place, c'est Usurpation de Warsaw Afrobeat Orchestra sur l'album Vendelou. Voilà. Tout ça est approximativement prononcé, bien sûr. J'ai choisi de vous faire entendre une pièce du top 10 loud. Ce sera une des nouvelles entrées. Donc, on retrouve l'artiste Royal Thunder. Et l'album s'appelle Crooked Doors. On s'en va entendre l'extrait Forget You. Ça se passe tout de suite ailleurs, dans les palmarès.

tug of war begins in our emotion. I am leaving many people feeling worse than before. People like to drive the cars and smoke up. People like to sit inside and talk up. People like to shoot at things with borrowed guns and knives. De ce côté pour la semaine du 30 mars au 5 avril 2015. On est pas mal assez fou. On vient d'entendre Ben Sebastian et The Party Line sur l'album Girls in Peacetime Wanna Dance. On a débuté avec Pat Ground et n'oublie pas la couleur sur son album homonyme Pat Ground qui est depuis 7 semaines alors que Ben Sebastian ça a seulement pris 3 semaines avant de se rendre au sommet. Félicitations à eux. Il nous reste juste assez de temps pour se faufiler une dernière pièce avant de se quitter. Ok, fait que je parle pas plus longtemps que ça. On s'en va entendre Les Incendiaires qui était une nouvelle entrée la semaine passée avec Pink Venus. On écoute ça et on revient se dire bye bye juste après. C'était Les Incendiaires et Pink Venus en 11e place du côté francophone, une pièce qu'on avait sautée précédemment. C'est tout pour les Palmarassis Fous de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, entre 15h et 18h. Restez avec nous. À 18h, c'est Audiomatique, émission de musique électronique. Ensuite, à 19h, Les Audacieuses. On repasse vendredi à 17h. Après nous, c'est Les Bonnets Rouges et Sky Punka. Et finalement, les dimanches, entre midi et 15h. Restez à l'écoute en général. Cif.ca pour la programmation complète. AssemblageHockey.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. On se quitte avec une autre pièce qu'on a sautée. C'est la numéro 6 anglophone et c'est l'ancien numéro 1. Donc, je me suis dit, j'avais pas le choix de le jouer. Quand même, l'ancien numéro 1. Ça vaut la peine. Donc, Elliot Maginot ou Elliot Maginot, dépendant d'où vous provenez. Voici Young and Old et on se retrouve la semaine prochaine au Palmarès Fou. Bye bye! I'll be back.